La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Bonjour et bienvenue au programme du club de la tête au carré ce vendredi. Un voyage sur les traces de l'expédition La Pérouse, une exposition sur la Lune et les recherches de deux doctorants qui participeront à la finale 2019 du concours Ma thèse en 180 secondes. Je vous présente les invités de ce club dans un instant. Axel Villard, bonjour. Bonjour Daniel. L'avenir de nos glaciers alpins est à la une de la science aujourd'hui. Oui, et cet avenir s'annonce liquide, puisque une étude suisse montre qu'ils pourraient avoir tous fondu d'ici 2100. On en discute dans un instant. Cette émission est réalisée par Fanny Beauhuon. Elle a été préparée par Irène Menahem. La tête au carré. Le club. Avec Daniel Fievé sur France Inter. Invité du club de la tête au carré ce vendredi, Alexia Fabre, commissaire scientifique de l'exposition sur la Lune au Grand Palais, Bernard Jiménez, historien voyageur, Nicolas Auvray et Gabriel Venet, deux des finalistes du concours Ma thèse en 180 secondes, et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour et bienvenue à tous les cinq. Bonjour. Alors, comme l'an dernier, France Inter est partenaire du concours Ma thèse en 180 secondes, dont la finale aura lieu en juin prochain. Et d'ici là, tous les vendredis, dans le club de la tête au carré, nous ferons connaissance avec deux des 16 finalistes du concours. Nous commençons donc aujourd'hui avec Nicolas Auvray et Gabriel Venet. Rappelez-nous pour commencer la règle implacable de ce concours, Ma thèse en 180 secondes. Nicolas Auvray. Eh bien, c'est de présenter donc notre travail de thèse en étant le plus précis possible, mais tout en s'adressant au grand public, en 180 secondes chrono, donc 3 minutes. Oui, 3 minutes, pas une de plus, devant un public non averti, de non-scientifiques. Il faut savoir vulgariser des sujets de recherche archi-pointus, Gabriel Venet. C'est exactement ça, et c'est un exercice qui est tout à fait différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le milieu académique, où une thèse, normalement, ne s'adresse qu'à des scientifiques du même milieu. Et c'est vraiment une aventure assez particulière que de devoir vulgariser sa thèse, surtout en si peu de temps. Et en plus, vous vous êtes fixé une contrainte supplémentaire. Vous l'avez fait en alexandrin, votre présentation. Oui, en fait, j'avais déjà tenté l'expérience l'année précédente, mais j'ai même pas passé les qualifications. Mais comme je m'étais amusé, j'ai voulu le refaire. Sauf que comme je n'avais pas envie de faire le même texte, je me suis imposé une contrainte. Une contrainte supplémentaire. On en aura un extrait, on verra ce que ça donne. Sophie Bécherel, vous avez visité l'exposition La Lune au Grand Palais, actuellement depuis une quinzaine de jours. Oui, et est avec nous la commissaire de l'exposition, conservatrice en chef Alexia Fabre. Cette exposition, elle est bien sûr organisée à l'occasion du cinquantenaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Et par la force des choses, elle rassemble des œuvres d'art et puis des témoignages du réel. Oui, ce qui nous a vraiment intéressé avec l'autre commissaire, Philippe Malguir, c'est de donner la dimension profondément humaine, existentielle, de cette relation qui nous unit à la Lune. Donc évidemment, il est question de dépassement de soi avec la réalité donc de ce voyage réel il y a 50 ans, mais il est aussi question de voyages imaginaires depuis les débuts de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, parce que ça se poursuit. Un autre voyage bien réel et qui a suscité bien des imaginations et des imaginaires. Bernard Jiménez, vous venez de publier un livre intitulé « L'expédition La Pérouse » aux éditions Glénat. Vous racontez donc ce voyage mythique de la boussole et de l'astrolabe à travers toutes les mers du globe jusqu'à la fin tragique. Et la particularité de votre ouvrage, c'est que vous êtes allé, vous, avec votre bateau, sur tous les sites sur lesquels La Pérouse s'est rendue en son temps, il y a plus de deux siècles. C'est ça, passionné par les voyages de découverte, par l'exploration, vivant à Albi, où est née La Pérouse. J'ai eu envie d'en savoir plus sur son voyage autour du monde. Et avec mon épouse, nous sommes allés en avion, escale après escale, sur toutes les escales de La Pérouse. On a hâte de vous suivre dans ces escales. Voilà pour les thèmes du jour. Et les auditeurs peuvent participer et réagir via la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook de La Tête au Carré. Au début, on ne se rendait pas trop compte. On a eu des hivers enneigés, d'autres hivers moins enneigés. Mais l'été, on avait toujours de la neige sur le glacier. Les premiers étés que j'ai fait, fin des années 70 jusqu'au début 80, on avait de la neige sur le glacier, des neiges internelles. Et puis, milieu des années 80, on a vu de cette neige commencer à fondre, chaque été de plus en plus. Et maintenant, chaque été, on est quasiment à la glace, tout le temps. Un guide du massif du Mont de Lens, le compte à rebours est enclenché pour les glaces des Alpes. C'est notre une de la science aujourd'hui, Axel Villard. Oui, Daniel, et cette fois, les résultats sont assez clairs et de plus en plus précis. Si rien n'est fait pour désamorcer le réchauffement climatique, 94% des glaces des Alpes auront fondu en 2100. C'est un résultat obtenu par une équipe de glaciologues suisses au terme d'une simulation de l'évolution de l'ensemble des glaciers alpins. Alors, plus de doute maintenant, le 22e siècle sera servi sec et sans glaçons aux générations futures. On va décrypter cette étude avec vous, Christian Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche pour le CNRS à l'Institut des sciences de l'environnement à Grenoble. Alors, c'est ce qui se profile, hein, des sommets sans glace et sans neige l'été dans les Alpes. Ce n'était pas arrivé depuis quand ? Ça fait longtemps. Parce que au cours de l'Holocène, donc au cours de la période chaude que l'on vit actuellement, donc depuis la fin de la dernière glaciation, bon, il y a eu des fluctuations des glaciers alpins, il y en a eu pas mal, mais depuis quelques centaines d'années, il y a toujours eu des glaciers sur les Alpes et sur les autres continents. Alors 94% de fonte en 2100, ça c'est le scénario pessimiste dans cette étude suisse. Si rien n'est fait pour changer le climat, quelle proportion des glaces on peut espérer sauver si on fait quelques efforts ? Alors, les 94% dont vous parlez correspondent effectivement à un scénario pessimiste. Hein. En fait, l'étude des Suisses révèle l'évolution future des glaciers alpins d'ici la fin du XXIe siècle et ils ont utilisé pour cela différents scénarios climatiques qui correspondent à différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un scénario optimiste, un scénario moyen et puis un scénario pessimiste. Le scénario pessimiste, il correspond à la politique du laisser-faire et suivant ce scénario pessimiste, effectivement, les glaciers devraient perdre près de 95% de leur masse d'ici 2100, les glaciers dans les Alpes. Hein. Et si on essaye d'être optimiste, alors on tombe à combien ? Alors on est à près de 60% oui. Pour le scénario optimiste. Bon, de toute façon, dans tous les cas, ça va engendrer de très fortes pertes. Hein. De notre côté, on a simulé aussi des glaciers dans le massif du Mont Blanc ou dans d'autres massifs et on trouve à peu près la même chose. Hein. Le deuxième glacier le plus grand en France, à Argentière, risque de disparaître avant 2100. Est-ce que tous les glaciers à la surface du globe sont menacés dans les mêmes proportions ou est-ce que les Alpes sont particulièrement menacées par rapport à d'autres glaciers de la planète ? Alors, par rapport à d'autres glaciers de la planète, oui, les Alpes sont fortement menacées. En fait, il y a une très forte diversité régionale. Hein, il y a une autre étude qui est parue la semaine dernière sur la perte de masse des glaciers au cours des 50 dernières années et qui montre, bon, globalement, une perte de masse importante des glaciers, ce qui contribue d'ailleurs assez fortement à l'élévation du niveau des mers. C'est un fort contributeur de l'élévation du niveau des mers. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ces pertes de masse sont très différentes d'une région à l'autre. Alors, par exemple, les glaciers d'Alaska ont perdu un mètre d'épaisseur de glace par an au cours de la dernière décennie. C'est à peu près similaire à ce qui se passe dans les Alpes. En Patagonie, c'est à peu près la même chose. Mais dans d'autres régions du monde, il y a des pertes beaucoup moins importantes. Par exemple, dans la chaîne himalayenne, en moyenne, les glaciers perdent 20 cm par an. Ce qui est faible en comparaison des Alpes. Ça s'explique donc, comment ? C'est parce que c'est plus haut ? C'est simplement une question d'altitude ou c'est plus compliqué que ça ? C'est plus compliqué que ça et c'est même sur la chaîne himalayenne, le chiffre que je vous donne, 20 cm par an, une perte de 20 cm par an, c'est pas du tout homogène sur la chaîne himalayenne, c'est-à-dire qu'il perd beaucoup plus dans l'est de la chaîne himalayenne que dans l'ouest de la chaîne himalayenne et même dans l'ouest de la chaîne himalayenne, dans par exemple le massif du Kunlun, c'est au nord du Karakoram, les bilans de masse, c'est-à-dire les pertes de masse sont très très faibles, presque de zéro. Donc pour vous dire qu'il y a une diversité régionale qui est très importante, ce qui n'empêche pas qu'on voit une tendance au réchauffement un peu partout. Christian, Vincent, dans le détail, comment est-ce que fondent les glaciers dans les Alpes ? Est-ce que c'est moins de neige l'hiver qui tombe ou plus de glace qui fond l'été ? Est-ce qu'il y a une balance comme ça ? Oui, c'est un peu ça. Les glaciers sont en fait un équilibre entre l'accumulation de neige et la fonte. C'est-à-dire qu'ils sont alimentés par les précipitations neigeuses, précipitations solides. C'est comme ça qu'ils gagnent de la masse. et ils perdent de la masse par la fonte. Alors si les gains sont par l'accumulation de neige compensent exactement les pertes par la fonte, bon, le glacier est dans un état d'équilibre parfait, c'est-à-dire qu'il ne perd pas d'épaisseur, il s'écoule toujours à la même vitesse, etc. Ce n'est pas du tout le cas au cours des 30 dernières années. Au cours des 30 dernières années, les glaciers sont en très très fort déséquilibre et ce phénomène s'est accentué en fait au cours des 10 dernières années, en particulier dans les Alpes. Et là, dans les Alpes, on sait parfaitement pourquoi, hein. C'est la fonte qui a fortement augmenté, ouais. Et cette accumulation de neige, elle ne compense plus du tout les pertes. Alors si on va jusqu'au bout du processus, à un moment il n'y a plus du tout de glace sur les sommets, est-ce que ça change le paysage, ça change la physionomie des Alpes? Parce que j'imagine qu'il n'y a plus d'eau qui coule l'été pour alimenter la faune, la flore ou l'agriculture même. Oui, ça va d'abord changer les paysages, bien sûr. Hein. En 30 ans, la mer de glace, elle a perdu 100 mètres d'épaisseur dans sa partie basse. Sa longueur a diminué de 780 mètres, donc c'est des choses qui se voient pratiquement à l'œil nu hein, quand on va sur la mer de glace d'année en année. Un autre glacier du massif du Mont-Blanc, le glacier des Bossons, lui a perdu plus de 1 km de longueur en 30 ans, donc ce sont des choses qui se voient. Et en plus, comme vous le soulignez, ça peut avoir des conséquences, et notamment des conséquences hydrologiques, puisque ça va affecter le régime des rivières situées à proximité des massifs englacés. Alors le problème avec les glaciers quand même, c'est que c'est pas comme les cathédrales, on peut pas les reconstruire en 5 ans avec quelques milliards d'euros. Si jamais on arrive à refroidir la planète, combien de temps il faut pour reconstruire toutes les glaces des Alpes, disons comme elles étaient il y a 50 ans? Oh, pour un glacier de montagne typiquement alpin, il faut plusieurs centaines d'années pour reconstruire un glacier. C'est assez rapide quand même alors. Oui. Alors, si les conditions sont réunies ici. Oui, bien sûr. Merci Christian Vincent. Je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche pour le CNRS à l'Institut des sciences de l'environnement à Grenoble. Merci d'avoir été avec nous. Et Axel Villard, à lundi. À lundi. Dans un instant, on explore la matière. On décolle pour la Lune et on part sur les traces de l'expédition La Pérouse dans le club de la Tête au Carré. Je sens des baumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang. Des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang. Mon esprit l'a rejeté de ma mémoire qu'à la bringue, et ton amour m'ont épuisé. Je sens des bombes et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter, si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cingle que tu m'as fait endurer. Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête pleurée. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. Comme un boomerang, Dao et Dany, pour le plus grand plaisir de notre réalisatrice Fanny Boyon. Autour de la table du club de la tête au carré, Alexia Fabre, commissaire scientifique de l'exposition Sur la Lune au Grand Palais, Sophie Bécherel de France Inter, Bernard Jiménez, historien voyageur, et nos deux doctorants du jour, Nicolas Auvray et Gabriel Venet, finalistes du concours Ma thèse en 180 secondes. C'est parti. La tête au carré, ma thèse en 180 secondes sur France Inter. À toi. Alors la finale de ce concours se déroulera le 13 juin prochain à Grenoble. Ce concours est organisé comme chaque année par la Conférence des présidents d'université et le CNRS. France Inter cette année encore est partenaire et tous les vendredis jusqu'à la finale, le club de la tête au carré recevra deux des 16 finalistes. Aujourd'hui, c'est vous Nicolas Auvray et Gabriel Venet que nous avons le plaisir de recevoir. Alors on rappelle une dernière fois le concours, la règle impitoyable de ce concours. Vous avez 3 minutes, pas une seconde de plus pour raconter face à un public le sujet de votre thèse. Alors vous avez déjà passé les étapes du concours local, la demi-finale. Comment vous avez vécu ce premier exercice, ce premier test, Nicolas Auvray? Les deux étapes étaient très différentes. Hein. Ouais. Le concours local, on s'est fait vraiment des amis avec les gens de nos universités avec qui on a préparé ce concours. On a fait une petite sélection un peu entre nous où on était tous très contents pour les personnes qui ont pu continuer. Et alors que la demi-finale était beaucoup plus rude et c'est beaucoup plus impressionnant quoi d'être à 56 à tous passer à la suite en une journée. Et seulement sélectionné. Gabriel Venet, faut rappeler, vous avez ce gros chrono qui tourne devant vous au moment où vous faites votre présentation. Si vous dépassez d'une seconde, vous êtes éliminé, donc ça rigole pas. C'est stressant cet exercice? Je dirais non. Je dirais non pour une raison, c'est que quand on nous a préparé à l'exercice, ce qu'on m'a demandé à moi, entre autres, et à ceux qui participaient avec moi, c'était d'apprendre le texte par cœur. Ouais. Et une fois que le texte est par cœur, qu'il est le même et qu'on l'a répété 10 fois, 20 fois, les 3 minutes, elles sont tenues systématiquement. D'accord. Donc vous n'aviez aucune crainte de ce point de vue-là? Ce n'était pas ça qui me faisait peur. Qu'est-ce qui vous faisait peur? Ce qui me faisait peur, c'était d'oublier une ligne, de bafouiller à un moment, de pas avoir la bonne intonation, peut-être. Ouais, ouais. Alors, on va voir que vous y mettez du cœur et de l'intonation. On aura l'occasion de découvrir votre présentation. Mais d'abord, Nicolas Auvray, vous effectuez votre thèse au laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques à l'Université Paris et Diderot, dans l'équipe SQAP, Spectroscopie des Quasi-Particules. Déjà, rien que le nom de votre laboratoire, il faut reprendre son souffle. On va écouter un extrait de votre présentation lors des demi-finales. J'aimerais bien vous faire des économies d'énergie. À chaque fois que je branche mon portable, il chauffe. C'est de l'énergie que je paye, mais qui n'arrive jamais à ma batterie. Ça m'énerve! Pas vous? Pour comprendre ce phénomène d'échauffement, imaginez une foule d'élèves de primaire, à qui on demande d'aller dans une direction. Et à la place, ils courent très vite dans tous les sens, bien sûr. Le courant électrique, c'est la même chose. Ce sont des électrons qui se déplacent dans des fils métalliques. On leur demande d'aller de la prise au portable, mais à la place, ils courent, ils se cognent, ils s'énervent et ils s'échauffent. Si on pouvait dire à tous ces électrons de se déplacer efficacement dans les fils, sans faire le bazar, on ne perdrait plus d'énergie inutilement. On pourrait réduire le nombre de centrales électriques, on pourrait stocker de l'énergie indéfiniment, plus rien ne serait perdu dans les fils et les batteries. Ça serait une révolution! Mais comment y arriver? Alors évidemment, ce n'est qu'un extrait, ça dure 3 minutes. La vidéo est en ligne sur la page de l'émission pour ceux qui voudraient connaître la suite. Ce que l'on vient d'entendre, Nicolas Auvray, est beaucoup plus compréhensible que le titre de votre thèse. Il y a toujours quelque chose d'assez savoureux à lire les intitulés de thèse. À la recherche du pseudo-gap dans le composé ND-LSCO, étude du diagramme de phase des cuprates supraconducteurs par spectroscopie Raman. On voit effectivement qu'il y a un effort de vulgarisation quand on entend ce qu'on vient d'entendre. Heureusement. Avec rien que le titre de votre thèse. C'est quoi un supraconducteur? Alors, les supraconducteurs, c'est un état de la matière, un état des métaux quand on les refroidit suffisamment. Comme je l'ai dit, les électrons vont se déplacer deux par deux à l'intérieur de ces métaux et ne vont plus s'échauffer, ne vont plus nous faire perdre d'énergie. Alors, les supraconducteurs sur lesquels vous travaillez, ils ont ce site particulier qu'il faut moins les refroidir pour le même résultat. Exactement. Pour avoir de la supraconductivité dans les cuprates, qui sont les supraconducteurs que j'étudie, il suffit de descendre. Alors, il suffit... de descendre à moins 140 degrés à peu près, ce qui est beaucoup plus facile à réaliser en fait en pratique que dans la plupart des métaux où il faut descendre à moins 260 degrés. Alors ça, c'est la propriété que l'on observe, mais aujourd'hui, les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi les cuprates se comportent comme ça et laissent passer ces électrons sans aucune résistance à cette température. Et tout le travail de votre thèse, c'est de comprendre pourquoi ça se passe comme ça dans ce matériau. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre, d'avoir un modèle microscopique quantique qui nous permette d'expliquer les cuprates qui ont été découverts dans les années 80, mais ça fait presque 40 ans qu'on essaie de comprendre comment ils marchent et on n'a pas de modèle. Et donc, je les étudie, j'essaie de comprendre tous les phénomènes qui se passent à l'intérieur, pas seulement la supraconductivité, pour essayer de savoir d'où vient cette propriété. Et si on maîtrise mieux tout ça, quelles applications ça pourrait avoir ? Donc voilà, les applications, c'est vraiment une révolution dans notre usage de l'énergie en général, pour le transport, le stockage de l'électricité. Ça permettrait de faire des économies monstrueuses. Et il y a d'autres applications plus liés aux propriétés magnétiques des supraconducteurs aussi, qui sont un peu secondaires, mais qui pourraient changer aussi notre mode de vie. Sophie ? Pour quelle raison vous êtes allée vers ma thèse en 180 secondes ? Votre directeur de thèse vous y a poussé ? Vous avez une vocation d'acteur ? Un challenge en plus ? Alors effectivement, j'ai une passion pour le théâtre, mais la participation à ce concours plus précisément, c'est une amie qui est docteur maintenant, qui a passé le concours il y a 2 ans et qui m'a encouragé à participer parce que c'était une super expérience pour elle. Pour vous, Gabrielle Venet, qu'est-ce qui vous a poussé à participer au concours ? Eh bien, la première fois, donc l'année dernière, que je me suis inscrit, c'était parce que j'avais un ami doctorant qui m'a dit que je parlais, c'était rigolo. Oui, et je vous le confirme. J'ai aussi cette impression. Et donc, il m'a conseillé de participer à ma thèse en 80 secondes. Alors moi, je l'avais regardé comme ça. Mais c'est quoi ça? Je me suis inscrit sans trop savoir et au final, je regrette rien. Ouais. Alors, vous effectuez votre thèse au laboratoire de conception, fabrication, commande des arts et métiers à l'ENSAM. On écoute là encore un extrait de votre présentation lors des demi-finales. Il était une fois, dans un royaume lointain, un triste forgeron qui semblait incertain. Ce brave homme, en effet, était bien embêté. Il ne parvenait pas à une bonne qualité. Toutes les pièces qu'il forgeait, vis, carlingues, engrenages, étaient toutes refusées et mises à la décharge. C'était sans doute la faute à ses simulations. Une étape nécessaire qui se fait en amont. Le métal qu'il forgeait étant mal simulé, ses collègues lui dirent: te voilà embêté. Fais donc appel à nous qui avons des machines spécialement prévues pour des expériences fines. En testant ton métal, tu pourras, sans pression, bonifier ton modèle et tes simulations. Gabrielle Venet, ça rime, tout est en alexandrin. La règle des 180 secondes n'était pas assez contraignante. Vous avez ajouté cette contrainte au dispositif. Bah oui, parce que comme j'avais déjà participé l'année dernière, j'aurais pu refaire le même texte, mais c'était pas drôle. Écrire le texte fait partie du plaisir, ouais, de l'exercice. Donc il me fallait une contrainte pour me forcer à trouver un autre angle d'attaque. Ouais. Alors vous faites du théâtre en amateur ou c'est juste comme ça, ça vous est venu un peu spontanément? Alors, pas du tout, jamais je fais de rimes d'alexandrin ou quoi que ce soit. À la limite, je fais du jeu de rôle avec des amis le week-end, mais rien de très officiel. D'accord. Alors, titre de votre thèse, modélisation du comportement et identification paramétrique pour la mise en forme des matériaux métalliques massifs. C'est du forgeage. Vous travaillez sur le forgeage. Expliquez-nous ça. On a tous un peu l'idée du forgeron qui tape sur son enclume. De nos jours, c'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit manuel, on a des gigantesques presses, ou alors des presses toutes petites, si on a envie de faire des choses petites. Et ça peut avoir des applications sur à peu près tout ce qui est en métal, c'est-à-dire à peu près tout ce qu'on a dans la vie de tous les jours. À un moment, on a un morceau de métal, on a envie de lui donner une forme, on va le déformer en appliquant une force, une pression bien choisie. Et on va avoir ce qu'il nous faut. Par exemple, rien qu'une vis, ouais, la tête d'une vis est forgée. Et alors ça, pour bien le faire et que ce soit bon du premier coup, il faut modéliser en amont. C'est ça tout l'enjeu. C'est exactement ça. En fait, on pourrait se débrouiller sans modélisation. On le faisait bien avant. Simplement, essayer de réussir à trouver quels sont les paramètres de la machine, comment chauffer le métal, etc. du premier coup, c'est quasi impossible. Ça prend beaucoup de temps et on va pas immobiliser les machines de production pendant beaucoup de temps. D'où l'idée de faire des simulations en amont. On va faire nos erreurs en simulation et une fois qu'on a trouvé quelque chose de bien, là on l'implémente sur la ligne de production. Donc ces simulations en amont, elles sont faites sur ordinateur ? Tout à fait, sur ordinateur. Ouais. Il y a tout un tas de logiciels très performants qui servent à ça. Et mon but à moi, c'est de réussir un petit peu à améliorer ces programmes. Mais au lieu de calibrer en quelque sorte mes programmes sur des machines d'essai spécialisées prévues exprès pour ça, qui marchent très bien, qu'on utilise actuellement, moi je me suis posé la question, mais et si j'utilisais les machines de production elles-mêmes, des presses industrielles, pour calibrer mes essais, est-ce que j'y arrive ? Ouais. Et alors, réponse ? On a déjà la réponse. Vous êtes à la fin de votre thèse ? Je suis à la fin de ma thèse. Je vais faire une réponse de scientifique. Oui, ça va. Ça valait le coup d'y passer 3 ans. Alors. On va rappeler qu'une thèse, effectivement, c'est un travail de 3 ans, parfois plus. C'est très prenant. Hein. C'est vraiment là que se fait le cœur de la recherche. Hein. Tous les grands scientifiques qui viennent dans ces émissions parler souvent ont des thésards avec eux, des doctorants qui font la recherche. C'est énormément de travail, c'est très stressant. Il faut publier aussi des articles, avoir des résultats au bout de 3 ans, parfois un peu plus complexes que juste « oui, pourquoi pas hein, », malgré la petite blague que vous faites. Comment vous trouvez le temps de vous prêter à cet exercice, de jouer à vulgariser ? Est-ce que vous vous dites que ça vous servira plus tard ? Est-ce que ça vous sert déjà de vous concentrer sur l'essentiel de ce que vous cherchez, parce que vous avez dû le réduire en 3 minutes de façon claire ? Est-ce que ça vous a aidé à mettre les problèmes en forme ? Nicolas Ouvray. Au niveau de la mise en forme, je ne sais pas, parce que je ne pense pas que ça soit quelque chose qui nous soit utile au sein de notre communauté scientifique. Par contre, c'est extrêmement utile pour se rendre compte de ce qu'on fait, à quoi ça sert. J'avais toujours cette difficulté à parler de ma thèse à l'extérieur du laboratoire. Ouais. Et maintenant, j'ai un texte tout près de 3 minutes pour expliquer à n'importe qui ce que c'est que la spectroscopie Raman dans les cuprates. Donc ça, c'est vraiment très utile. Ouais. Et cet apprentissage de comment communiquer au grand public le travail qu'on fait et l'importance de ce travail, je pense que c'est vraiment essentiel pour pouvoir partager ce qu'on fait avec l'extérieur et pas seulement avec notre équipe. Gabriel Venet, pourquoi vous avez pris ce temps ? C'est pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai du mal à expliquer quelque chose sans vulgariser un peu malgré tout. C'est un reproche que me font parfois mes encadrants. Ah oui. Et la deuxième chose, c'est que j'aime bien regarder ma thèse sous différents regards. Ça permet de sortir un petit peu et de voir quelque chose de nouveau, en fait, d'essayer de prendre le problème sous différents angles. Ouais. Sophie Bécherel, quel regard vous portez ? Vous avez assisté à plusieurs de ces finales. Oui, je m'étonne que ça devienne très très calibré. Ils sont exceptionnels, tous. Je pense que pour les jurys, c'est difficile de les départager. Mais je regrette finalement une absence de fantaisie. Ils sont tellement encadrés, la forme est désormais tellement cadrée que... Oui, les Alexandrins, là, il y a les Alexandrins. Moi, j'en avais jamais vu encore. C'est un tour de force. Mais on pourrait imaginer de la danse, on pourrait imaginer quelque chose avec plastique, vous voyez. Ouais. Enfin, je sais pas. Du mime. Pour la radio, ce serait plus difficile. Ils sont très très forts, je reconnais. Chapeau bas. Ouais, ouais. Là, effectivement, pour avoir vu vos prestations en vidéo, d'ailleurs, on va mettre un lien vers vos 2 prestations sur la page de l'émission sur franceinter.fr pour les auditeurs qui voudraient regarder vos vidéos. C'est effectivement remarquable. On comprend en 3 minutes un univers qui est quand même assez aride au premier abord. Merci à tous les deux, Gabriel Venet et Nicolas Ouvray, et bonne chance pour la finale. Donc, rendez-vous à Grenoble le 13 juin prochain. Merci à tous les deux. On part pour un voyage entre science et imaginaire sur la Lune dans un instant. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free. Live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoot. A dog is better than you. A man with money walks into the store. At the door, Carlton lads to take down anything with whiskey clothy ring and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you'd like. And not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. A good breed and not too wild, people will take it in mind as a child. But when a hungry man goes out to beg, they send a bulldog behind his leg. 20 policemen will take him down too. You see how a dog is better than you. Leila Makkala, c'était Money is King sur France Inter. Le club sur France Inter. Et avec nous cet après-midi dans le club, Bernard Gimenez, historien voyageur, Nicolas Auvray et Gabriel Venet, les deux finalistes du concours Ma thèse en 180 secondes, et Sophie Bécherel de France Inter, accompagnée d'Alexia Fabre, commissaire scientifique de l'exposition sur la Lune présentée actuellement au Grand Palais. Alors le disque, vu de cette distance, offrait un aspect extrêmement bizarre. Ce qui s'appelle lumière diffuse sur la Terre, qui produit les ombres, les pénombres et toute cette magie du clair-obscur, n'existe pas sur la Lune. De là, une brutalité de contraste qui n'admet que deux couleurs, le noir et le blanc. Un paysage lunaire que n'adoucit point le phénomène du clair-obscur n'aurait pu être rendu par un paysagiste de la Terre. Des taches d'encre sur une page blanche. C'était tout. Un extrait du roman de Jules Verne « Autour de la Lune » paru en 1869, la suite de son roman « De la Terre à la Lune ». Notre satellite naturel a inspiré bien des auteurs et des artistes. Sophie Bécherel, vous avez visité l'exposition au Grand Palais, oui, « La Lune ». Et en fait, c'est presque un exercice aussi imposé après ma thèse en 180 ouais. secondes, compte tenu de l'anniversaire, évidemment, les 50 ans. Donc j'avais envie de demander à Alexia Fabre comment vous avez bâti cette exposition, quel a été votre parti pris. Parce que la Lune, on en mange, comme on dit trivialement cette année. Et oui, la Lune est partout, mais la Lune est là depuis toujours. Oui. Alors là, l'exercice, c'était la Lune en 1400 mètres carrés, ce qui n'était pas évident non plus, il faut le dire. Et en 2 ans, donc ça a été un long périple. Nous avons beaucoup dérivé avec mon collègue Philippe Malgouir. Et donc nous sommes partis tout simplement du voyage réel que nous avons fait regarder, envisager les voyages imaginaires de l'histoire de l'humanité. Donc le voyage réel, c'est évidemment cette conquête spatiale, cette nuit du 20 au 21 juillet 1969, où une grande partie de l'humanité a tourné ses yeux ensemble, créant une véritable communauté, vers le poste de télévision. 500-600 millions de personnes ont regardé ensemble, et en même temps ce qui semblait être tenir véritablement du miracle. Et de cette expérience réelle, d'ailleurs, il reste des photographies, enfin des objets qui sont aussi, quelque part, des œuvres d'art. C'est un peu, en tout cas, le parti pris. Hein. Oui, on voulait vraiment mettre l'accent sur la dimension humaine et existentielle de ce voyage, qui a eu des répercussions scientifiques, on en parlera certainement, symboliques, artistiques et existentielles. Et on a réuni des objets qui viennent du Smithsonian, de ce musée des États-Unis, qui montrent la part terriblement humaine et assez fragile aussi de ce voyage, avec par exemple un cas, avec ce que Michael Collins a amené avec lui dans ce fameux petit sac que chacun des 3 astronautes avait avec lui. Donc Buzz Aldrin avait amené de quoi communier en arrivant sur la Lune. Et Michael Collins, lui, a amené un rasoir et de la mousse à raser, voilà, pour apparaître à son retour l'humain qu'il était. Donc il y a une dimension terriblement humaine. Et c'est ce que montrent aussi les différentes photos. On a réuni une collection extraordinaire de photographies prises par la NASA, dont on ne voit toujours que les mêmes éléments, toujours la même iconographie. Et cette série d'images montre aussi la façon dont ces hommes ont été eux-mêmes tellement impressionnés par ce voyage. Et ce qui est très très beau, c'est de voir bien sûr l'image de ce soi-disant premier pas, et de voir aussi le lever de terre sur la Lune. Voilà, et de voir notre planète depuis la Lune. On trouve aussi quelques objets scientifiques, une lunette, des choses comme ça, la montre Oméga d'un astronaute qui est parti dans l'espace. Mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres, puisque, comme vous le disiez, la Lune, elle a inspiré tous les grands maîtres de l'art. Et voilà, comment, là encore, vous avez choisi? Il doit y avoir une telle foultitude d'œuvres où la Lune est représentée que ça n'a pas dû être simple. C'est un sujet absolument infini. C'est un sujet de l'histoire de l'art en général. On aurait pu faire 1000 autres expositions en parlant exclusivement d'art mésopotamien ou d'art égyptien. Voilà, donc on a fait le choix vraiment de se centrer sur l'histoire de l'art plutôt européen, avec quelques incursions vers d'autres civilisations, et de prendre vraiment le parti de ce qui nous relie à travers les œuvres d'art à la Lune. Donc vraiment la Lune vue depuis la Terre. Alors bien sûr, il y a quelques objets scientifiques avec la façon dont la Lune naît une fois qu'elle a été inventée avec des objectifs terrestres, finalement a été élevée pour observer la Lune. Il y a ce très très beau dessin de Thomas Harriot, ça j'aimerais juste en dire un petit mot, parce que c'est le premier dessin réalisé à main levée de la Lune observée à travers une lunette. Il précède de peu les observations de Galilée et il date de 1609. Et ce petit dessin, à main levée, à main presque tremblante, dessine le Terminator, cette ligne entre la lumière et l'ombre sur la Lune, qui permet de vérifier donc les ombres portées, donc il y a bien du relief sur la Lune. Et ce dessin, en fait, très étonnamment, on a l'impression de voir un dessin du Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors ça, c'est une hypothèse, ça n'est absolument pas prouvé, mais on ne peut pas ne pas se demander si Saint-Ex n'a pas vu ces dessins, c'est très troublant. Donc ensuite, c'est l'art qui prend vraiment la suite, et qui dessine avec des œuvres de l'humanité depuis l'Antiquité, en passant par les époques classiques, la peinture romantique, jusqu'à l'art contemporain, qui explore la diversité de ces relations qui nous unit. Elles sont vraiment très diverses, ces relations, c'est pas une simple fascination, Elles sont aussi complexes que la Lune elle-même. En fait, la Lune, c'est un astre qui nous est absolument familier. L'homme, depuis ses origines, a repéré que même lorsqu'elle disparaît 3 jours, comme le Christ ou Osiris ont disparu 3 jours avant de renaître, revient systématiquement. Donc il y a une relation assez familière et assez tranquille finalement avec la Lune. Néanmoins, toujours là, mais toujours changeante. Et l'humanité s'est servie de cette surface de réflexion pour projeter ses tourments, ses fantasmes, ses peurs, ses craintes, enfin tout ce qui constitue, dans le fond, ce qui fonde l'humanité. Depuis toujours, la Lune est l'astre de l'âme, donc elle révèle ce qui nous constitue. Il y a beaucoup de tableaux magnifiques, beaucoup de choses magnifiques. Vous êtes directrice d'un musée d'art contemporain dans le Val-de-Marne, et parmi les artistes contemporains, il y a des choses tout à fait étonnantes, notamment ces combinaisons d'astronautes en wax africain d'une artiste japonaise. Qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire, cette jeune femme ? Alors, ce qui nous intéressait, c'était aussi d'envisager les enjeux politiques de cette conquête spatiale qui a été éminemment occidentale, puisqu'elle s'est déroulée dans le cadre de la guerre froide et de cette manche remportée par les Américains, qui en ont profité pour fabriquer aussi une sorte de récit national de la conquête, dont ils sont assez habituels. Et donc, une conquête occidentale masculine. Et absolument masculine, voilà. Et donc, l'œuvre dont vous parlez, qui est l'œuvre de Yinka Shonibare, en fait, c'est une image extrêmement tendre d'une famille d'astronautes, noirs certainement, parce que leurs casques sont noirs et ils sont recouverts de wax, ce tissu qui symbolise la complexité des relations entre les pays colonisés et les pays colonisateurs. Et cette famille, dans le fond, rappelle peut-être l'envie aussi de l'homme africain de participer à ces conquêtes dont il a été exclu, ramène aussi au présent l'histoire des réfugiés et peut-être des réfugiés à venir dans un futur que j'espère très lointain, où l'homme devra peut-être aller coloniser d'autres planètes. Vous avez pensé aux visiteurs aux férus de l'espace ou bien aux amateurs d'art ? On a pensé principalement au grand public. En fait, nous sommes voisins du Palais de la Découverte qui nous a beaucoup accompagnés avec l'équipe de Sébastien Fontaine. Et donc, en fait, la Lune, pour ses aspects scientifiques, il faut passer de l'autre côté du Grand Palais pour la rencontrer. Voilà. Donc là, c'était vraiment une dimension plus artistique, poétique et existentielle, mais vraiment pour grand public. C'est une exposition que l'on peut voir vraiment à tous âges et même quand on est tout petit. 190 œuvres exposées, hein, Marc Chagall, Man Ray, François Morlaix, Juan Miró. Alors du coup, dans toutes celles-ci, laquelle a sa préférence ? Laquelle, vous, un coup de cœur, pas forcément la plus connue, une qui... Alors d'abord, un grand plaisir d'avoir travaillé avec une œuvre de Manet. Voilà, ça c'était vraiment un fantasme absolu dans ma vie. J'en suis un peu éloignée par quelques dizaines, presque centaines d'années. Ouais. Et puis peut-être juste un mot sur une très belle œuvre de Sylvie Fleury, qui est une fusée recouverte de peinture rose à paillettes. C'est une artiste qui sans cesse ramène dans son univers du féminin les objets, les archétypes du monde masculin. Voilà, donc c'est une fusée qui est un symbole masculin, un symbole phallique, qui vient rappeler le désir des femmes de ne pas se contenter de la terre. Sophie ? Juste, moi, une de celles que j'ai adorées, c'est celle d'un artiste ukrainien, je crois, Arkhip Kuindji, qui s'intitule « Une invitation au rêve ». Ah merveilleux, merci. Les deux bras au ciel, les deux d'Alexia Fabre. Voilà, on a voulu avec Philippe aussi, voilà, dessiner de nouveaux chemins dans l'histoire de l'art, et on a eu la grande chance d'avoir des prêts de la Tretiakov, et pour la première fois des tableaux de Kramskoï et de Kuindji, qui sont parmi les plus grands artistes de l'histoire de l'art russe, sont venus là. Et donc le tableau dont vous parlez avait créé en 1880 de véritables émeutes, car les gens se précipitaient sur ce tableau, n'arrivant pas à croire l'impression de luminescence que donnait cette lune. Merci Alexia Fabre. La lune du voyage réel au voyage imaginaire à découvrir au Grand Palais, c'est jusqu'au 22 juillet prochain. Dans un instant, on prend le large, on part sur les traces de l'expédition La Pérouse dans le sillage de la boussole et de l'astrolabe. Par où commencer ? Tu m'as fait perdre le fil de ma pensée, mes rêves ne cessent de me hanter. Tu es le secret que j'ai gardé. Il suffisait d'y croire, nous aurions pu courir le monde comme deux âmes vagabondes. Tu es ma lumière dans le noir, comme la lune sur l'océan qui disparaît et suit le vent. Tu es la beauté, le mal en même temps, mais tu m'as sauvé du mal en même temps. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Finalement, je te donnerai. Que je perds encore un autre coup de tête. Oh, c'est un rêve éphémère dont seul toi tiens les rênes. Il suffisait d'y croire. J'entends le château qui s'effondre, abandonné sous les décombres. Pour toi, ce n'est qu'un au revoir. Comme la lune sur l'océan qui disparaît et suit le vent. Tu es la beauté, le mal en même temps, mais tu m'as sauvé du mal en même temps. Tôt ou tard, je pose plus de questions. Tôt ou tard, c'était Élie Rose. La tête au carré, le club, sur France Inter. Avec autour de la table Nicolas Auvray, Gabriel Venet, Alexia Fabre et Sophie Bécherel et Bernard Jiménez, historien voyageur. Vous venez de publier l'expédition La Pérouse aux éditions Glénat. Quels sont ceux qui partiront avec vous ? Le professeur de Lamanon, géologue et physicien, correspondant de l'Académie des sciences de Paris, Prévost, malgré sa relative jeunesse, est botaniste et dessinateur. Grévy, maître en mécanique de précision, devra veiller au bon fonctionnement des montres et des instruments de navigation. Duché de Vancy, connu pour la rapidité de ses croquis et de son coup de pinceau, devra représenter les êtres exotiques vivant sur les rivages lointains, mais surtout l'aspect et les dimensions approximatives des îles que nous découvrirons. Une dernière question, monsieur Lapérouse. Combien d'hommes serez-vous ? La boussole aura 111 personnes à bord et l'astrolabe en comptera 112. Eh bien, bon vent, monsieur Lapérouse. Ouvrez les voiles ! La barre à tribord. La barre à tribord, commandant. Bernard Jiménez, l'expédition de Lapérouse est aujourd'hui mythique, d'abord parce qu'effectivement c'est une expédition scientifique qui marque son époque, et aussi pour sa fin tragique, parce qu'ils ne reviendront pas. On lui souhaite bon vent dans cet extrait, mais ils ne reviendront jamais en France. Oui, en 1783, c'est une époque où, pour la première fois depuis longtemps, on est en temps de paix, et Louis XVI décide d'ouvrir de nouvelles routes commerciales. Il décide aussi de compléter la cartographie qui a été établie pendant les trois voyages de Cook. Ouais. Il s'agit aussi de reprendre la main par rapport à ce capitaine Cook qui a déjà fait trois fois le tour du monde en 10 ans et qui en est mort hein, lui aussi. La France veut reprendre la main. Exactement. Les Anglais sont sur toutes les mers du monde. Ils ont fait avancer la cartographie, mais il reste des zones d'ombre. Et le roi Louis XVI demande à Lapérouse notamment de vérifier sur les côtes d'Alaska s'il n'y a pas un passage vers la baie d'Hudson, ce qu'on a appelé le passage du Nord-Ouest, et aussi de vérifier entre l'île de Sakhaline et la Sibérie orientale s'il y a un passage, si Sakhaline est une presqu'île ou bien une île. Et il y a bien un passage que l'on appellera le détroit de Lapérouse. Le détroit de Lapérouse est au sud, entre Sakhaline et l'île d'Hokkaido au Japon. Ouais. Alors le Louis XVI est le roi géographe, il a une vraie curiosité pour ça, il s'implique directement dans l'organisation du voyage. Tout à fait, avec le maréchal de Castries qui est le ministre de la Marine, avec Clarier de Fleurieux qui est directeur des ports et arsenaux, ils vont monter une expédition. En faisant la part belle justement à l'exploration scientifique, ce sera la première fois qu'une grande expédition de découverte aura autant de savants à bord. Alors la boussole et l'astrolabe quittent le port de Brest le 1er août 1785. Cette date est importante. On est 4 ans avant la Révolution. Louis XVI les voit partir. Lui va avoir des problèmes par la suite. Quel itinéraire va suivre Lapérouse ? Alors le retour est prévu pour environ juin 1789. Les deux navires vont aller vers le sud, dans l'Atlantique Sud, faire une escale à la Conception, au Brésil, passer le Cap Horn sans encombre, et puis ensuite remonter le long de la côte de l'Amérique du Sud, dans l'océan Pacifique, et faire une escale, la dernière en territoire européen, à Conception, au Chili, chez les Espagnols. Alors, on va revenir un peu sur les grandes étapes. À bord, vous l'avez dit, c'est une expédition scientifique. Jamais autant de scientifiques ont été embarqués. De toutes les disciplines, hein, tous azimuts, hydrologie, océanographie, astronomie. C'est vraiment l'expédition emblématique du siècle des Lumières. Tout à fait. Les astronomes eux-mêmes étaient à la fois, certains étaient officiers, étaient aussi des scientifiques. Il y avait un botaniste, la Martinière, il y avait un jardinier voyageur du roi qui était chargé de distribuer, donner des plantes européennes et également d'envoyer en Europe des graines qui ont été récoltées. Il y avait des naturalistes, deux aumôniers et savants. C'était important pour Lapérouse. Il voulait bien des aumôniers à bord, mais il fallait aussi qu'ils soient savants pour qu'ils servent aussi la science. Et puis, il y avait Lamanon, qui est la star des savants, qui lui était très bon dans toutes les disciplines, qui écrira beaucoup, donc on a des informations qu'il a pu recueillir pendant le voyage. Alors, vous avez eu envie de retourner sur les lieux. Vous ne vous êtes pas contenté de vous replonger dans les archives et dans les écrits hein, sur cette expédition mythique. Vous êtes retourné sur les lieux par lesquels les explorateurs étaient passés. Pourquoi vous vous êtes pris de passion comme ça pour cette expédition ? Alors, j'habite à Albi. Oui. Lapérouse est née à Albi. Et lorsque j'étais enfant, avec mon père, on passait souvent près de cette statue Lapérouse qui est à Albi. Je posais des questions et ça m'a forgé une âme d'explorateur. En tout cas, j'ai envie de découvrir d'autres territoires, rencontrer d'autres personnes. Et par ce biais-là, on a vécu pendant plusieurs années des aventures extraordinaires. essentiellement dans le Pacifique. Alors Lapeyrouse disait lui-même qu'il ne voulait pas, quand on allait consulter son journal de bord, que l'on aplanisse son voyage. Vous, vraiment, vous l'avez ressenti dans toute son épaisseur, ce voyage de Lapeyrouse. Vous vouliez en ressentir les embruns, en ressentir peut-être des paysages pour certains endroits qui n'avaient pas changé. Tout à fait, parce que dans les lettres, il y a les lettres officielles qui ont été envoyées pendant l'expédition, mais il y a aussi les lettres privées. Et lorsqu'on compare les deux, c'est pas tout à fait la même histoire qui est racontée. Il y a le récit officiel et puis il y a le récit de l'humain. Et on voulait effectivement sur place ressentir ce qu'avaient pu ressentir ces marins, ces scientifiques, et aller à l'endroit où quelqu'un a vécu ou a respiré, à Harry. C'est poser des questions, apprendre beaucoup sur ce genre de voyage. Et alors, par exemple, il y a c'est en Alaska, ça a été baptisé le port des Français. Quand Lapeyrouse arrive dans ce lieu que l'on appelle aujourd'hui le port des Français, c'est lui qui l'a baptisé ainsi, c'est une baie totalement inconnue, qui a peu changé, qui est encore très sauvage aujourd'hui. Vous y êtes allé, décrivez-nous ce paysage. Oui, tout à fait. On ne peut y aller qu'en bateau ou en hydravion. On a été en hydravion, c'est loin de Juneau, c'est 1h30 d'avion vers le nord en partant de Juneau. Et lorsqu'on arrive là, c'est quelque chose d'assez frappant, c'est-à-dire que c'est une baie qui est au pied de montagnes qui font 5000 mètres d'altitude. Les glaciers, les montagnes partent juste après la baie. Et ce lieu est vraiment tellurique. Ouais. Et alors, c'est là que s'est produit un drame pour Lapeyrouse. Le premier drame, il y en aura plusieurs jusqu'à l'ultime, le double naufrage. Le premier drame, c'est jusqu'à maintenant, tout s'était bien passé. Même le Cap Horn, ça se passe sans encombre. Par contre, quand il arrive en Alaska, là, il y a une vraie catastrophe. Alors, à l'entrée de cette baie, il y a une passe. Pour entrer dans la baie, déjà les deux bateaux manquent de se perdre parce que le courant de marée est très très fort et les deux bateaux sont entraînés vers l'intérieur, mais ça passe. Et puis l'expédition s'installe dans cette baie, met en place l'observatoire, les savants font des observations, les astronomes font des mesures. Et pour compléter les cartes, Lapeyrouse demande de sonder le fond de la baie. Et donc trois chaloupes partent sonder le fond de la baie. Mais Lapeyrouse avait dit aux responsables de ce travail-là, soyez très prudents, ne vous approchez pas de la passe. Et malheureusement, une chaloupe va s'approcher de la passe et va être projetée vers le Pacifique. La chaloupe va couler. La seconde chaloupe va aller à son secours et va couler aussi. Et donc, il y aura 21 marins et officiers qui vont mourir et ce sera le premier drame de l'expédition. Ils étaient tout jeunes. Hein. Le plus vieux de ces 21 marins avait moins de 33 ans. À bord, ce sont des jeunes hommes. On imagine le drame que ça peut constituer dans une telle expédition. C'est ça. La moyenne d'âge des marins était de 25 ans. Et effectivement, c'est un drame qui va marquer tout l'équipage. Et qui va permettre aux marins, aux officiers de prendre conscience de dangers qui ne sont pas connus parce qu'on est dans des mers inconnues. Ouais. Le deuxième drame surviendra plus tard lors du périple, c'est aux îles Samoa. Là, c'est une tuerie qui a lieu. Oui, c'est différent. C'est différent. L'expédition fait de l'eau, donc remplit des barriques d'eau, de l'eau douce nécessaire pour le voyage dans une première baie, la baie de Fagaza. Et curieusement, de l'angle qui était le second de l'expédition, part dans une baie voisine et il dit à Lapeyrouse le soir en rentrant, il faut compléter notre corvée d'eau parce que nous n'en aurons pas assez. C'est important pour la santé de l'équipage, c'est important pour combattre le scorbut, on a besoin d'eau fraîche. Et Lapeyrouse ne voulait pas parce qu'il avait senti les indigènes nerveux. Finalement, c'était son ami de l'angle, il cède. Et le lendemain matin, les chaloupes avec de l'angle vont dans cette baie. La marée baisse, les chaloupes se posent, c'est incompréhensible pour des marins, sur le platier de corail, et les sauvages les attaquent, et il y aura 12 morts. 12 morts de cette attaque. Il partait avec les principes de Rousseau, le bon sauvage, l'homme naturel est forcément bon, et puis finalement là, ça s'est mal passé. C'est ce que disait Lamanon la veille de cette attaque. Et malheureusement, Lapeyrouse était plus prudent et Lapeyrouse avait raison. Et Lamanon en mourra, hein. C'était un des physiciens, oui, des grands scientifiques. De l'angle et Lamanon mourront au Samoa. Et puis il y a le naufrage au large de Vanikoro à la fin du voyage. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui de ce naufrage? Il y a eu beaucoup de mystères. C'est une journée ou une nuit en 1788, en juin 1788, probablement un ouragan effroyable comme il y en a dans ces zones tropicales. Les deux bateaux sont poussés en fait vers la barrière de corail. Et l'un des bateaux va taper, cogner violemment contre la faille, va sombrer. L'autre bateau, l'Astrolabe, va se poser sur le platier de corail. Il y aura une centaine de survivants. Et alors là, des études archéologiques continuent de chercher pour savoir ce que sont devenus ces survivants. On peut lire votre livre pour en savoir plus. Bernard Jiménez, l'expédition La Pérouse aux éditions Glénat. Sophie Bécherel, on termine comme chaque semaine avec votre agenda. Je vais faire vite, ce sont les vacances scolaires. Profitez-en pour emmener les enfants à la rencontre de la connaissance et des sciences. À Arras, par exemple, la Cité de la Nature vous propose d'explorer les cinq sens, mais en fait les cinq et les quatre autres. La proprioception, l'équilibrioception, la thermoception et la nociception. C'est une exposition, un parcours très ludique et pédagogique pour les enfants à partir de 3 ans. Mais les textes, les accompagnants vont très très bien aussi pour les adultes. Dans le nord du pays, puisqu'il va faire beau en ce week-end de Pâques, pourquoi ne pas aller observer les étoiles dans un observatoire ou un club d'astronomie ? En Bretagne, donc, l'observatoire de Cazeroire dans le Finistère organise ce soir une conférence et une observation des étoiles. Enfin, à Marseille, un événement qui ne se déroule pas ce week-end, mais jeudi et vendredi prochain, les tables rondes de l'Arbois, organisé notamment par l'Université d'Aix-Marseille. Le thème, c'est la Méditerranée. Et pendant 2 jours, vous êtes invités à venir écouter des conférences sur l'histoire du bassin méditerranéen, le peuplement par les hommes préhistoriques, mais aussi le ciel qu'on peut observer, le vin en Méditerranée, la pression démographique, la situation politique, la place de l'islam. Le plateau de scientifiques est tout à fait exceptionnel. Ces conférences sont gratuites. Elles seront animées par notre confrère Stéphane Paoli. Ouais. On met tout ça sur le site de La Tête au Carré. C'est à Marseille et c'est jeudi et vendredi prochain. Merci Sophie, merci à tous les invités du club. Juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, 1952, Kazan et les autres, l'histoire d'Elia Kazan, le plus américain des cinéastes. Merci à Maxime Ingrand qui était à la technique aujourd'hui. Vous écoutez France Inter, il est 15h.